attends, il faut que je trouve le tempo. Elio, par ici. Bonjour, c'est Brigitte Doubé. Alors, on envoie notre community manager. Si c'est pour les décibels, c'est important de capter du bon son. Pour Madina et Pipoura. Tu es là, animal. Avec ses savoureux mets, sa poulet et crevettes, bien sûr. Et sa bière locale, la Zoukabule. Vous pouvez bien entendu le retrouver sur Madinina. -du6food.fr, mesdames et messieurs. Avec ce succulent repas originel, bien sûr. Et l'ambiance assurée. Je ne fais pas, bien sûr, une promotion. Toute promotion serait trop. Je vais faire une promotion pour Madinina qui est le food. Pas une annonce. Tendance sur le camion. Tu en as encore besoin. N'essaye pas de le vendre. Ah là, ouais. On en a parlé hier. Ouais. Je sais qu'il va pas.